بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame aujourd'hui, inshallah ta'ala, le 11e cours dans l'explication du chapitre du mariage tiré de Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam al-Sa'di rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, « وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ لَهَا فَلَيْسَ الْفَاجِرُ كُفْءًا لِلْعَفِيفَةِ » Et donc, il n'appartient pas au tuteur de la femme, il ne lui appartient pas de la marier avec une personne qui n'est pas semblable à elle, une personne qui n'est pas comme elle, qui ne lui convient pas. Et donc, il n'appartient pas au tuteur de marier la femme chaste à un homme pervers. Et donc, le tuteur, lors du mariage, il doit faire attention à respecter la... Donc le degré ou le niveau religieux de chacun, de la femme dont il est responsable et de celui qui va se marier avec elle. Et donc la femme qui est pieuse, il ne va pas la marier à celui qui est pervers ou qui est grand transgresseur. Et il y a ici, barakallahu fikoum, un rappel pour nos frères d'ici ou d'ailleurs, qui désire le mariage. Et donc chacun veut se marier avec une femme qui est pieuse, une femme qui respecte les commandements de son Seigneur, qui a le hijab, qui prie, qui accomplit ses prières obligatoires à l'heure, qui va accomplir son jeûne obligatoire, qui va obéir à son Seigneur. Cependant, lui-même, il a des négligences dans sa pratique religieuse. Alors là, on va dire à la personne qui est dans ce cas-là qu'il ne fait pas partie de la sagesse le fait de marier une femme pieuse à quelqu'un qui ne l'est pas. Il ne fait pas partie de la sagesse le fait de marier une femme pieuse à quelqu'un qui ne l'est pas, de la même manière qu'il ne fait pas partie de la sagesse, qu'un homme pieux se marie avec une femme qui ne l'est pas. Pareillement, la femme musulmane ne se marie pas avec un non-musulman. La femme musulmane ne se marie pas avec un non-musulman par rapport à l'influence que celui-ci peut avoir sur elle. Pareillement, la femme pieuse ne se marie pas avec quelqu'un, on ne va pas la marier avec quelqu'un qui ne l'est pas, afin de la protéger pour que celui-ci n'ait pas une influence sur elle. Tayyib, et maintenant on va dans un autre degré. Ici il y a une divergence des savants, parce que ce qu'on a cité précédemment, ici, si cette femme qui est pieuse se marie avec quelqu'un qui a certaines négligences dans sa prière, quant aux obligations, etc., le mariage, il est valable. Maintenant, le fait qu'une personne chaste se marie avec une personne qui fornique, est-ce que le mariage, il est valable ou pas? Il y a certains savants qui voient que ce mariage n'est pas permis. Une personne qui est chaste se marie avec un fornicateur. Donc une femme chaste se marie avec un fornicateur ou un homme chaste se marier avec une fornicatrice. Est-ce que le mariage est permis ou pas? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a choisi l'avis qui dit que ce mariage n'est pas valable. C'est aussi le choix du très savant Ibn al-Uthaymin, rahmatullahi al-jami'a. Pourquoi? Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikah. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur ne va épouser que la fornicatrice ou la polythéiste. Et la fornicatrice ne va épouser que le fornicateur ou le polythéiste. Et cela a été interdit aux croyants. Tayyib. Qu'est-ce qui est voulu ici, barakallahu fikoum? C'est qu'il est interdit aux croyants de se marier avec une fornicatrice. Il est interdit à la croyante de se marier avec un fornicateur. S'ils le font, ils sont dans deux cas, deux possibilités. Les savants, ils nous disent que si cette personne sait que c'est interdit et qu'elle n'approuve pas cela, du moins, elle sait que cet acte-là est interdit, mais qu'elle s'est mariée quand même, à ce moment-là, c'est une forme, donc, d'agrément de la fornication, et donc cette personne-là est fornicatrice. Si maintenant la personne, elle voit que non, c'est totalement licite, alors là, elle rend licite ce que Allah a interdit, et donc là, c'est un mushrik, un polythéiste. Et donc, d'où le fait, Zeni, le fornicateur, ne se marie qu'avec une fornicatrice ou une polythéiste. Et donc, l'avis le plus juste, barakallahu fikoum, parce que ici, c'est un sujet de divergence, mais ce verset, il est clair. Il est clair, cela a été interdit aux croyants. Tayyib, on a deux personnes, ils ont forniqué. Et ensuite, après avoir forniqué, ils veulent se marier. Ils ont vécu ensemble, etc. Et ils veulent se marier. Ils viennent voir l'imam. Imam, ça fait 5 ans qu'on vit ensemble et on veut se marier. Là, on va leur dire, il vous est obligatoire de faire une taouba, de vous repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, premièrement. Deuxièmement, il faut respecter fatrat al-istibra, la période qui montre que la femme n'a pas eu de grossesse due à ses rapports illicites. Et donc, et ensuite, lorsque cette femme elle a sa menstrue, donc et cela dépend, donc cela demande une seule menstrue, selon l'avis le plus juste. Al-Hanabila, il voit qu'il faut 3 menstrues, mais l'avis le plus juste, c'est que une seule menstrue est nécessaire, une seule menstrue suffit pour cela. À partir du moment où cette femme, donc ils se sont repentis tous les deux, ensuite, donc ils se sont séparés, et elle a eu une menstrue, à partir de là, ils peuvent se marier, Inch'Allah ta'ala. Avant cela, ils sont dans un gros sujet de divergence, où on va avoir certains savants qui voient que le mariage est caduque. Caduque. Avec des preuves, comme celle qu'on a citée, le verset qu'on a cité tout à l'heure. Donc, barakallahu fikoum, il est important de bien faire les choses. On veut faire un halal, eh bien le halal, on le fait en respectant le shara. Le halal, tu ne le fais pas pour les gens. Si tu fais un halal, c'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, respecte la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'auteur qui nous dit après cela, « Fa'in udima waliyuha » Et donc, si son tuteur n'est pas présent, ou n'existe pas, comme la femme qui s'est convertie, par exemple. Ou alors, ou alors celui-ci est absent, d'une longue absence, comme le fait qu'il est parti avec l'armée, par exemple, et il n'est pas revenu. On ne l'a jamais retrouvé, ou il est parti dans un voyage, dans un sous-marin, et on n'a plus de traces du sous-marin, ou plus de traces de l'avion, et on est arrivé à un point où les gens n'espèrent pas, ou ils n'espèrent plus son retour. Les gens ont désespéré du fait qu'il revienne. Ou alors ce tuteur-là, il est présent, mais par contre, il refuse de la marier avec un semblable à elle. C'est une femme qui est dans la religion, et lui, il ne veut pas la marier avec quelqu'un qui est dans la religion. Ah non, non, non, non, ça c'est extrémiste. Non, non. Mais pourquoi il est extrémiste? Il fait ses 5 prières à la mosquée. Il a une barbe. Il a un kamis qui est au-dessus des chevilles. Et il a un point sur son front, là. C'est ça, extrémiste? Oui, c'est ce qu'ils ont dit à la télé. C'est un extrémiste. Il refuse de marier sa fille avec une personne à cause de ça. Tayyib, donc soit le tuteur n'est pas présent, soit il est présent mais il est injuste. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit l'auteur rahimahullah zawajah al-hakim. Il nous dit c'est le gouverneur qui la marie. C'est le gouverneur qui sera qui va prendre le rôle du tuteur, le gouverneur, ou alors celui dont le gouverneur lui a confié la tâche. Ça va être le juge dans un pays musulman. Et ceci en se basant sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, As-sultanu waliyu man la waliya la. Le gouverneur est le tuteur de celle qui n'en a pas. Rapporté par les auteurs de As-Sunan sauf An-Nasa'i. Il y a certains parmi les gens de science qui voient donc qu'on ne va pas marier, ce n'est pas le gouverneur qui va prendre le rôle du tuteur, mais c'est le tuteur qui vient après cela. Rappelez-vous, on a vu les ordres des tuteurs. On a dit le premier, le père. Si ce n'est pas le père, ça sera qui ? Non. Hein ? Ah, le grand-père. Le grand-père, voilà, barakallahu fikoum. Et donc, certains savants nous disent, non, ce n'est pas le juge, ce n'est pas le gouverneur, ça va être le grand-père. Dans tous les cas, barakallahu fikoum, celui, ou du moins celle qui se trouve dans un pays non musulman, comme ici en Martinique ou en métropole, ça ne sera pas le gouverneur, ni un juge musulman. Ça va être forcément donc soit donc un tuteur plus éloigné que son père, ou alors les responsables de mosquées et les imams ou autres. Un homme se marie avec une femme chrétienne. Un homme se marie avec une femme chrétienne. Le tuteur de cette femme chrétienne, c'est son père. Parce que la base, c'est que le tuteur de la femme, c'est son père. Et on ne dit pas que son tuteur, c'est le gouverneur ou l'imam ou autre. Son tuteur, c'est son père. Maintenant, on a un autre cas. Un homme se marie avec une... Si son père est mort, alors on va regarder, même chose, grand-père, fils, etc., etc., etc. Frère. Un homme ou alors une femme chrétienne, son père est musulman. On a un frère ici qui s'est converti à l'islam, mais ses enfants ne se sont pas convertis à l'islam. Et on a un autre frère qui veut se marier avec la fille de ce frère musulman. Mais sa fille, elle est chrétienne. Qui est le tuteur ? Le père. Le père ? Ou le gouverneur ou un imam ? Naam. Le tuteur, ce sera le père. On reste sur la base. Le tuteur, barakallahu fikoum, c'est le père. Le cas où le tuteur ne sera pas le père... C'est lorsque la fille elle est musulmane et que le père ne l'est pas. La fille est musulmane et le père ne l'est pas. À ce moment-là, le père ne peut pas être le tuteur. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِنِ مَنْ يَقَوْ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَلَا يَصِحُّ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا حَتَّى يُمَيِّزَهَا بِسْمِهَا أَوْ وَصْفِهَا. Et donc le dernier point qu'on voit ce soir, l'auteur qui nous dit, il est impératif de citer de manière donc claire la personne qui est concernée par le contrat de mariage. Citer de manière claire, ça peut être par el-ishara, le fait de faire un signe. Exemple, si la fille elle est présente, il dit, je te marie avec ma fille, celle-ci. Elle est là. Je te marie avec ma fille, celle-ci. Et il montre, il fait un signe du doigt. Ça, c'est clair pour tout le monde que c'est elle. Ou alors, il peut citer son nom. Je te marie, je te donne en mariage, je te donne la main de ma fille, Aïcha. Et il n'a qu'une seule fille qui s'appelle Aïcha. Ou alors, il peut donner des caractéristiques. Je te donne la main de ma fille qui a obtenu son bac cette année, ou qui fait tel et tel emploi. Je te donne la main de ma fille, la coiffeuse, ou je te donne la main de ma fille, etc., etc., etc. Et donc, il faut que ça soit clair, afin qu'on sache clairement de qui on parle. Exemple, on a notre frère Moussa, il a deux enfants. Tayyib. Il y a un frère qui vient, il veut marier sa fille à un des deux enfants. Il lui dit, je te donne la main de ma fille, ou je donne la main de ma fille sous Keïna à un de tes deux fils. Valable ou pas valable? Valable ou pas valable? C'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est lequel des deux fils. C'est lequel? C'est lequel? On joue à pile ou face, on fait comment? Et donc il faut que ça soit clair. Il se peut que parfois ils disent « Je te donne la main de ma fille ». Et ici l'auteur lui donne cet exemple. Il dit « Ce n'est pas correct de dire « Je te donne la main de ma fille » alors qu'il en a d'autres. Il n'a pas qu'une seule fille. Ben, à ce moment-là, c'est laquelle? C'est important d'être clair. Et donc il nous dit l'auteur, rahimahullah, et donc cela n'est pas valable, ce mariage n'est pas valable jusqu'à ce qu'il la distingue clairement d'une autre. Et ça, bien entendu, barakallahu fikoum, ça aussi c'est un avis de, c'est un sujet de divergence. Mais le conseil que je donne à mes frères, ne vous mettez pas dans cette situation. Avant de te marier, apprends les règles du mariage pour ne pas tomber dans un problème comme ça. Tu te maries, tu fais le mariage, et ensuite, après 2-3 jours, on te dit que le mariage n'est pas valable. Ou après 2-3 ans, parfois, on te dit que le mariage n'est pas valable. Et donc, il faut qu'on fasse bien les choses. Barakallahu fikoum. Donc, le mariage se fait en étant clair. Je te donne la main, Souleymane, ma fille, Fatima, etc., etc. Il faut être clair. Il faut être clair. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et maintenant je vais regarder les questions. Est-il autorisé de demander plusieurs rencontres avec la prétendante dans le but de la regarder? Toyib. Et donc ici, on a donc un frère qui a déjà vu la prétendante. Elle était d'accord, il a déjà vu la prétendante. Et il veut la revoir. Est-ce que c'est permis ou pas? Les savants, ils nous disent, na'am, c'est permis. Avec condition, bien entendu. Premièrement, que ça ne se fasse pas, qu'il ne soit pas isolé. Donc déjà, rien que la première rencontre, déjà, ils ne doivent pas être isolés. Ça ne doit pas être une rencontre pour prendre du plaisir. C'est pas je la regarde pour prendre du plaisir à la regarder. Ici, non. C'est une personne qui cherche à regarder si cette femme va lui plaire ou pas, s'il peut se marier avec elle ou pas. Et donc peut-être qu'il n'a pas bien vu la première fois, il n'y avait pas assez de lumière, ou je ne sais pas, ou il hésite. Il demande à la revoir une deuxième fois. Naam, yajouz. C'est permis. C'est permis. Mais il faut faire attention. Tu ne vas pas la regarder pour prendre du plaisir à la regarder. Ça, c'est interdit. Même chose pour les femmes. Parfois, certaines femmes, elles vont se maquiller. Elles se maquillent, elles savent que c'est la muqabala, mashallah. Non, ça c'est une erreur. Tu n'as pas à te maquiller pour cette rencontre. Pourquoi? Parce que ça, c'est la femme qui fait ça pour son mari. Pourquoi est-ce que la femme, elle fait ça pour son mari? Les savants, le cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, elle fait ça, elle se maquille pour son mari, afin de l'appeler au rapport. Là, cet homme qui est venu, il n'est pas venu pour un rapport, il est venu pour savoir si il va se marier avec toi ou pas. Et donc ce n'est pas le moment de se maquiller. Ce n'est pas le moment de se maquiller. Mais elle vient, elle se présente normalement. Inch'Allah ta'ala. La deuxième question. Un chrétien a demandé en mariage une chrétienne. Est-il permis à un musulman de demander en même temps en mariage cette chrétienne? Donc, un chrétien demande la main à une femme chrétienne. Il a demandé la main à une femme chrétienne. Un musulman est intéressé. Il sait que cette femme chrétienne, on lui a déjà demandé la main, je pense. Sinon, il n'y a pas lieu de poser la question. S'il ne sait pas, bien sûr, il pose la question. Maintenant, s'il sait que quelqu'un a demandé la main de cette femme, lui est-il permis de demander la main de cette femme chrétienne ou pas? Alors ici, c'est un sujet de divergence. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de demander la main d'une femme dont notre frère lui a demandé la main. Sauf que là, ce n'est pas nos frères musulmans qui lui a demandé la main, c'est un chrétien qui lui a demandé la main. Et donc certains savants vont dire que, vu que c'est un chrétien, c'est permis. Tu peux lui demander la main. Et d'autres savants, et l'avis le plus juste d'ailleurs, c'est que non, que ça soit un chrétien ou un musulman, tu ne peux pas lui demander la main. Parce que même le chrétien, il a des droits. Même le chrétien, il a des droits. Et donc non, il faut faire attention, barakallahu fikoum. Et nous, on va arrêter là pour ce soir, inshallah. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.